C'est la crocro, c'est la nini, c'est la queue-queue, c'est la chronique santé. Salut les gens, alors comment on se retrouve? Je vous demande pas si ça va, c'est la chronique santé. Donc ça pète un peu trop fort dans son slip, sous son jogging. Allez voilà. Comme entrée en matière, non pas fécale, aujourd'hui les bons reconfinés, je vous souhaite vous parler de ma nouvelle passion qui, je pense, peut ravir tous les âges et toutes les santés. Alors, je vous vois venir avec vos oh, Tata Lolo, elle va encore nous faire une petite recette de cocktail. Eh bien, tout à fait. Mais en fait, pas tant que ça, car je vais vous parler de puzzle. Alors, sachez que le puzzle est considéré comme un casse-tête, mais étonnamment, ça pose plutôt l'esprit du bon con, et ça, le calme. Alors, vu que vous me demandez comment ça fonctionne un puzzle, je vais vous l'expliquer. Plusieurs étapes. Donc, on part sur l'étape numéro 1. Vous allez fouiner le grenier de votre grand-mère. Vous pouvez y laisser la vaisselle d'antan. Ça, Alain Soulard s'occupera de venir la chercher plus tard. Bon, par contre, la boîte avec un dessin de chien ou de chat, allez, de cheval, ok? Ça, hop, sous le bras. Bon. L'étape 2, tu rentres chez toi. T'oublies pas ton chèque de 135 euros. Hein, voilà. Et là, tu peux reposer tes jolies petites fesses de bon con sur le canap. Bon. Là, on est clair, n'est pas mal. On passe à l'étape numéro. J'espère que tu as suivi. Hein. Étape numéro 3. Parce que, un peu tendu. Bon, on est sur son canapé, on fait chauffer la bouilloire. Tu choisis un petit thé. En perso, le thé vert, menthe douce, valeur sûre, petite cuillère de miel. Ça fait tout chaud dans le clacos. Voilà. Par contre, tu fais pas bouillir l'eau, parce que si ça boue, tu perds tous les minéraux de ton eau. Là, c'est dommage. Alors, t'appuies sur le bouton avant que ça fasse clac! Et je dis pas de conneries, je l'ai lu sur Doctissimo. Étape numéro. Bon, la 4. 4, 4. Là, t'ouvres ta boîte de puzzle. Alors, pour les hésitants dans puzzle, il y a deux Z comme Zizi. Ça, vous savez l'écrire. On passe. Là, tu comptes les pièces une par une pour être sûr que t'en aies 500 et qu'elles soient toutes là. Hein, c'est hyper important. Étape numéro 5. D'ailleurs, il est quelle heure là? 17h? Oh, apéro, Michou, là, tu sors les cacahuètes. La cinquième étape, vous l'aurez deviné, étape numéro 1000. C'est la petite pièce verte du puzzle. Tu la mets à côté de l'autre petite pièce verte. Pas la bleue. Pas la bleue, pas la bleue, c'est pas vert la bleue. Et voilà. Maman, c'était super, je vous fais tous des bisous. Je suis hyper contente de vous retrouver. En plus, vous êtes plutôt sympa, alors bah, je reviendrai. Allez, comme on dit d'habitude, ciao, ciao!